Le lion et le moucheron. Va-t'en, chétif insecte, excrément de la terre. C'est en ces mots que le lion parlait un jour au moucheron. L'autre lui déclara la guerre. Penses-tu, lui dit-il, que ton titre de roi me fasse peur, ni me soucie? Un bœuf est plus puissant que toi. Je le mène à ma fantaisie. À peine il achevait ces mots, que lui-même il sonna la charge. Fut le trompette et le héros. Dans l'abord il se met au large, puis prend son temps, fond sur le cou du lion qu'il rend presque fou. Le quadrupède écume et son œil étincelle, il rugit. On se cache, on tremble à l'environ. Et cette alarme universelle est l'ouvrage d'un moucheron. Un avorton de mouche en son lieu le harcèle, tantôt pique l'échine et tantôt le museau, tantôt entre au fond du naseau. La rage alors se trouve à son faîte montée. L'invisible ennemi triomphe et rit de voir qu'il n'est griffe ni dent en la bête irritée. Qui de la mettre en sang ne fasse son devoir? Le malheureux lion se déchire lui-même, fait résonner sa queue alentour de ses flancs. Balère qui n'en peut mais, et sa fureur extrême le fatigue là-bas. Le voilà sur les dents. L'insecte du combat se retire avec gloire. Comme il sonne à la charge, il sonne la victoire, va partout l'annoncer et rencontre en chemin l'embuscade d'une araignée. Il rencontre aussi sa fin. Quelle chose, par là, nous peut être enseignée? J'en vois deux, dont l'une est qu'entre nos ennemis, les plus à craindre sont souvent les plus petits. L'autre, qu'au grand péril, tel a pu se soustraire, qui périt pour la moindre affaire.